simultané? Simultané, non. Un après l'autre. Ah, il y a des fois que c'est simultané. Je ne fais pas le temps d'aller et tu donnes la réponse. Ça n'est pas la cause. Oui. C'est simultané. C'est ça. Ce n'est c'est pas ta la cause. Non? Non, vas-y. Ah, OK. Ta cause de quoi? Ah, ben, on va te laisser poser la question. Ça fait, vas-y. OK. Ce n'est pas la pensée qui est l'illusion, c'est l'incarnation dans la matière et la limitation du cerveau qui interprète toute perception. Même si j'arrête la pensée, même je n'ai pas la conscience cosmique, comment être conscient de l'être, mais en restant dans le corps? C'est à cause que la personne n'a pas tout à fait saisi par l'expérience la mécanique de la pensée. Bon, si on dit ce n'est pas la pensée qui est l'illusion, c'est quoi la pensée? Êtes-vous capable de penser en hébreu? Vous n'avez pas appris l'hébreu? Vous ne pouvez pas penser en hébreu. Donc, votre pensée est totalement limitée par ce que vous avez appris. Si la pensée est totalement limitée par ce que l'on a appris, ou parce que, finalement, l'apprentissage va autoriser à structurer au niveau de la pensée devient aussi une illusion. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte des solutions en fonction de sa pensée. J'ai expliqué souvent qu'il y avait deux mécaniques au niveau de la gestion de la réussite sur la Terre. Il y a des lois pycéennes reliées à l'ère du poisson, qui c'est en train de s'effriter, ça va s'effriter jusqu'à l'an 2000-2023, bon. Il y a des lois qui s'adressent à l'animal humain, celui qui fonctionne par sécrétion endocrinienne, celui qui a une vie sinusoïdale, celui qui est heureux, malheureux, qui trouve ça normal, qui ne fonctionne pas avec l'intelligence, pas intelligent, mais c'est normal. Celui-là, il peut faire des projections, ça va fonctionner. Il peut faire des prières, même donner une dîme à une église quelconque et il aura en retour des choses. On a l'autre loi de celui qui devient un être humain, celui qui est assujetti à une évolution solaire qui est moins méritoire. Celui-là va voir son ego être trituré pour fondre progressivement. Et puis, progressivement, notre individu va faire des projections, tout ce qu'il projette va être détruit, ça ne fonctionnera pas. Cet individu devient assujetti à la compréhension qu'effectivement, moins il va travailler, plus il aura du succès, l'évolution qui n'est pas méritoire. La pensée, ce qu'elle vient faire là-dedans, la pensée, c'est qu'elle entretient uniquement les archétypes, le passé. Comme par exemple, présentement, il y a une personne qui s'imagine, c'est de l'illusion, qu'il climatise alors qu'il chauffe. On voit? Il y a... La pensée, ce qu'elle fait la pensée, c'est que la pensée devait être là. Notre être humain qui considère qu'il contrôle la pensée, il est là, il met le climatiseur, et puis il est là, puis il attend. Là, il fait plus chaud. Sa pensée a dit une charge, j'ai climatisé. Puis là, à un moment donné, il fait encore plus chaud. La pensée elle commence à se poser des questions. Il fait encore plus chaud. C'est toujours trop tard que la pensée. Et quand l'humain a suffisamment expérimenté une condition, ça devient un élément de données pour la pensée, et là, maintenant, il peut agir. Ce n'est pas la pensée qui est l'illusion, c'est l'incarnation dans la matière. Mais c'est une vraie farce, parce que l'incarnation dans la matière est une réalité. Nous sommes dedans la matière. C'est évident que la matière semble créer de l'illusion dans la perception. Lorsque je regarde le vase qui est ici, bon, ben, 300 000 km à la seconde, la lumière m'amène la photo du vase, une photo photonique. Elle m'amène cela à mon œil. Mon œil transcrit cela en impulsion nerveuse. Ça vient jusqu'à mon cerveau qui est transmis en impulsion neuronique. De l'impulsion neuronique, c'est transmis en impulsion subatomique. Et là, mon âme est au courant. Ma psychologie est au courant. Et je dis, je vois le vase. Alors que je vois absolument rien du vase. C'est sûr que là, il y a une illusion dans la déformation. Mais ce n'est pas ça qui est l'illusion. C'est une réalité que ce que je vois, je le vois. Ce n'est pas une réalité que ce que je vois est ce qui, à l'origine, émet la chose. Où il y a l'illusion, c'est lorsque je crois que ce que je vois est la réalité. C'est l'illusion. Mais ça, lorsque je crois que ce que je vois est la réalité, c'est de la pensée. La pensée est totalement... Tu as déjà donné l'exemple des étoiles. Ben oui. Quand on regarde une étoile, on la voit, ben on dit l'étoile est là, alors qu'elle n'est peut-être plus là, parce qu'elle est tellement loin que le temps que la lumière voyage, puis qu'elle s'en vient jusqu'ici, peut-être qu'au moment où on la voit... Ben oui, c'est la 2 millions d'années-lumière, ça peut faire 1 million d'années qu'elle n'existe plus, mais pendant 1 million d'années, on continue à la voir. Donc pour celui qui la voit, c'est la réalité. C'est que la perception est une réalité, mais ce qui est perçu est une illusion. Parce que l'humain va considérer que ce qu'il perçoit est une réalité absolue, il dit c'est la réalité. Et si quelqu'un vient lui dire, ben non, peut-être ça fait 1 million d'années qu'il n'existe plus, non, je dis ce qui sort, lui. Là, il faudra qu'on te prouve dans ton intellect que c'est comme un boyau d'arrosage. Quand je t'arrose, je t'arrose. Quand je cesse de t'arroser, ben il y a encore de l'eau qui continue. Moi, je dis, je t'arrose plus. L'autre qui est tout seul en face, ben oui, non, non, ben rose plus. Je t'arrose plus. Mais le temps que ça prend avant que la lumière ou que l'eau ait fini d'avancer, que le trou se soit établi, tu penses que je t'arrose encore. La lumière, c'est pareil, sauf que c'est une question de millions d'années ou de milliers d'années. La personne dit ici, bon, c'est une incarnation dans la matière et la limitation du cerveau qui interprète toute perception. C'est un fait. Mais la pensée n'est créée qu'à partir de la mémoire. Donc, la pensée n'est créée qu'à partir de l'interprétation faite par de la mémoire. Le corps physique est un limitateur, mais j'ai déjà expliqué que le corps physique, même s'il nous limite dans notre évolution, c'est lui qui nous garde de l'involution. Autant c'est compliqué de changer rapidement, autant c'est compliqué d'involuer rapidement. Sinon, il faudrait une seule colère pour que tu sois fini à jamais. Le corps physique est difficile à améliorer, il est difficile aussi à dépérir. La limitation du cerveau. Le cerveau n'est pas tellement limité. Le cerveau est une structure qui est toujours en pleine croissance, même parle de mutation à un certain moment. Et la pensée est une manipulation qui provient du monde de la mort, qui provient du ciel, de la conscience collective. Lorsque la personne dit « la pensée n'est pas une illusion », la pensée n'est pas une illusion, la pensée n'engendre que des illusions. J'ai pensé que c'était pour être bon et ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai pensé que c'était la bonne solution et c'était la mauvaise. Et à un moment donné, l'ego va dire « j'ai pensé que c'était le bon chemin, puis j'avais raison ». Il n'y avait pas raison, il y avait le choix entre deux chemins, il a pris celui-là. Mais il ne savait pas plus qu'un autre. Ça donne qu'il est arrivé à la bonne place. Il n'y avait pas raison. Dans la pensée, on n'a jamais raison. Dans la pensée, comme j'explique souvent, on ne peut même pas faire bouger un verre à distance. On ne peut même pas faire bouger son bras. L'interpréteur actionnel le fait bouger parce que l'humain pense que c'est la pensée. Il ne peut l'appliquer à autre chose. Vous avez un accident automobile qui vous traumatise, puis après ça, vous ne pouvez plus conduire. Pourquoi? Parce que ça pense dans votre tête. La pensée est une réalité. L'incarnation est une réalité. L'illusion, c'est dans la conscience. Et lorsque notre conscience décide, lorsque la conscience fait confiance à la mémoire, lorsque la conscience fait confiance à la tradition, lorsque la conscience fait confiance à la perception, on est dans l'illusion, mais totale. Je dis avec les personnes avec qui je travaille bien souvent, et ça, toutes les personnes qui ont des patrons qui se conscientisent ou qui se conscientisent eux-mêmes, ne peuvent faire autrement que de vivre cela progressivement. On fait une publicité, et la publicité, une fois qu'elle est montée, on la met dans une revue, et là, on regarde la publicité, puis on se dit, c'est pourri pareil, tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire. Et là, moi, je dis, oui, mais c'est ça qu'on a fait. Bon, maintenant, on va aller jouer au ping-pong dans le sous-sol. Bon, OK, on en a assez travaillé pour aujourd'hui. Bon, on a juste à voir les bonnes choses. Parce que notre ego est convaincu que, quand la revue sort, on regarde, puis vraiment, là, mais on passe à d'autres choses. Et subitement, on se rend compte que c'est l'une des meilleures publicités qu'on a mis jusqu'à là. Mais les publicités qu'on prend puis qu'on dit, ça, c'est génial. Ces publicités-là, c'est peut-être génial. C'est pas rentable. Mais c'est génial, apparemment. Progressivement, on finit par découvrir plusieurs choses. Dans les séminaristes, ceux qui ont fait le séminaire, il y a des personnes, à un moment donné, avec qui je travaille un peu plus intensément, et on fait du cumberlandisme, trouver ce qui est caché. La pensée, qu'est-ce qu'elle fait comme illusion? On prend 5 personnes, ils cachent une chose derrière eux. Et là, on dit à un individu, trouve ce qui est caché. La personne, elle regarde les 5, il semble que c'est elle qui l'a. Et elle a appris que, fie-toi ta pensée, oui. Tu penses c'est elle qui l'a? Parfait, élimine-la, pas elle qui l'a. Bon, on continue. Et là, tu continues, puis finalement, toi, je suis sûr que tu ne l'as pas. L'as-tu? Puis à 90%, c'est oui, l'inverse de la pensée. Ton ego veut tellement que tu sois médiocre, c'est la médiocratie qui contrôle l'humain. L'ego, l'âme, la psychologie, tout le monde de la mort, le collectivisme, veut tellement que tu sois normal, jamais au-dessus de quelqu'un d'autre, médiocre, que nécessairement, on te donne l'inverse. Quand j'étais jeune, je prenais un pendule pour se connaître les résultats de mes examens. Pas les résultats, les réponses à mes examens. Parce qu'à l'époque, c'était oui, non, c'est vrai, faux, peut-être, bon. Mais pas peut-être, en tout cas. Puis là, moi, j'étais là, en dessous de ma table, blablabla. Quand le professeur, il venait voir avec un pendule, puis il n'y avait rien de plus court, c'était une clé qu'une corde. T'sais. Je m'amusais avec ma clé pour rentrer chez nous. Et puis, j'avais des réponses. Premier examen, une très bonne note. Deuxième examen, une très bonne note. Troisième examen, coulé à plate couture. Le maudit pendule me donnait tout l'inverse maintenant. Alors, j'ai su que l'être humain qui ne se conscientise pas trop, qui se spiritualise, son pendule risque de fonctionner longtemps. Celui qui se conscientise, c'est pas long que le pendule commence à jouer contre lui. Ouais, mais on n'a pas le choix. Je sais qu'on n'a pas le choix. Alors on prend la clé, puis on s'en sert uniquement pour rentrer chez soi. Bon, au moins quand quelqu'un foulé, ce sera pas à cause de la clé. L'incarnation dans la matière, la pensée, c'est de la réalité. C'est ce que nous faisons avec ce qu'elle nous fait voir, qui est une illusion. Quand on vient pour dormir, que ça pense dans sa tête, il faut qu'on cesse de penser que la pensée est quelque chose de bon. Mais la pensée va nous faire penser que c'est quelque chose de bon. Je répète encore une fois, on vous manipule comment? C'est simple, l'alcoolique est manipulé, il dit pas « Tiens, Daniel, prends un verre. » Non, non, dans la tête, ce qui manipule vient dire « Tiens, je vais prendre un verre. » Puis comme je suis pas fou, je prends un verre. Sauf au lieu de dire « Charles, prends de la drogue », ça dit « Hey, un bon petit joint à soir, ça va me faire du bien. » C'est facile de manipuler l'humain. Tu prends le mot « je », le mot « moi » et c'est réglé. Moi, je rentre dans la tête de n'importe qui ici, je dis « Eh, maudit que c'est plat, tiens, je vais m'en aller. » Là, il y a des archétypes qui vont dire « Ben non, t'es pas pour sortir quand même, ça se fait pas. » Puis la personne va dire « Ouais, mais archétype ou pas, crime, je m'en vais, c'est plate. » Je n'ai rien qu'à dire ça dans sa tête. Puis la personne elle va répondre immédiatement « Ouais, je sais bien que c'est plate, mais là, c'est pas aussi bon ou plate. » Puis après ça, je vais même lui prouver. « Ouais, mais regarde, tout à l'heure, il a dit telle affaire. Ça va pas quoi, pas tout. » Puis là, finalement, je me lève, puis la personne, elle va se lever, puis je vais sortir, puis elle va sortir. C'est facile. La pensée, c'est ce que ça donne. Bon, le cerveau qui interprète toute perception, même si j'arrête la pensée, je n'ai pas la conscience cosmique. Lorsque l'on arrête la pensée, il faut faire attention. La majorité des structures d'évolution, de toute façon, preuve que la pensée n'appartient pas à l'homme, combien d'écoles ésotériques, de religions, de méthodes ont été inventées pour que l'homme contrôle sa pensée. Merde, vous n'êtes pas de la pensée, de la conscience. Sauf que nous sommes tellement confiné à exprimer notre pensée plutôt que notre conscience, on n'arrive plus à faire la différence. La personne va dire, quand j'arrête la pensée, la majorité de ceux qui arrêtent leur pensée pensent à rien. Et il y a une Christine nuance entre penser à rien et ne plus penser. J'ai travaillé avec des individus, avec des jeux, m'amuse-moi, jeux de la mort. Leur montrer quand ils étaient morts, quand ils étaient pensés, mémoriels, de quand ils étaient totalement vivants. Par la suite, jeu de la vie 1, jeu de la vie 2, jeu de la vie 3. Et on a des personnes qui, à un moment donné, sont en train de jouer, et là, ils se sentent totalement comme à la ronde dans un manège. Et là, j'ai beau leur expliquer, ton astral, ta mémoire est sortie, elle a peur. Elle tourne, elle rentre. À un moment donné, tu sens ton cœur accélérer, tu le décodes, tu le dis, le cœur ralentit, tu sens que ça pique sur le genou, tu le dis, ça pique plus sur le genou, tu vois un bateau passer, tu viens applaudir, il n'est plus là. Là, la pensée te fuit. Et je dis à ces personnes, là, vous venez de naître. Là, vous êtes vivant. Lorsque la personne dit « j'arrête la pensée », qu'est-ce que c'est « j'arrête la pensée » ? Bien souvent, c'est « je pense à rien » ou bien souvent, c'est que je pense à une chose fixe, comme se concentrer sur une rose. C'est penser. Ne pas penser veut dire refuser toute expression de la mémoire. Cela veut dire que lorsque je viens pour parler, si je le savais avant de le dire, je ne le dis pas. Et là, ça pense à d'autres choses, je change de trame régulièrement. Et pour cela, il y a un exercice extrêmement pratique qui est difficilement applicable pour l'individu qui n'a pas tout saisi la mécanique de la pensée, qui ressemble exactement à la corne d'abondance placée sur le bord du verre de styrofoam que j'ai acheté lorsque ma grand-mère est décédée, la fois où la soucoupe volante avait atterri sur la crevette tout à fait frite que ma mère avait sortie de la bouche de l'orateur qui parlait sur le balcon même de la neige qui, totalement fondue, servait à alimenter le réacteur de tous les morceaux de bois qui naviguaient sur un fleuve d'un continent sur une mer. Bon, très simple. L'individu, effectivement, oui. L'individu qui est capable de contrôler totalement le désassujettissement de toutes les formes de sa pensée pour s'en aller dans ce que j'appelle une histoire qui a une suite, mais qui n'a pas de sens. Comme j'ai fait. Bon. L'individu qui fait ça a la capacité d'être vivant. Capacité d'être vivant veut dire capacité de contrôler la pensée ou de faire abjection de la pensée. Cela veut dire que la pensée pensant dans ma tête, moi j'ai pris un canal, j'ai changé un autre canal, j'ai pris un bout de là, un bout là, un bout là, un bout là, un bout là, je me suis amusé. À cette vitesse, tu essaieras, vous essaierez, vous allez voir que c'est pas... Moi j'appelle cela le langage de l'intelligence. Être capable de dire n'importe quoi nous permet, à un moment donné, d'être capable de se répondre avec du neuf. Parce que, dans le début, lorsque l'on parle, on dit des conneries. Et on est toujours pris avec nos conneries. Oui, mais ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Je l'explique encore une fois. Quand vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui sort. Si vous vous dites, oui, mais c'est froid, c'est pas le bon robinet. Bien, faites ça toute votre vie, surtout de l'eau froide. Vous devez faire en sorte que l'eau froide du tuyau coule et progressivement l'eau va se réchauffer, puis finalement elle sera bouillante. C'est la même chose avec le contact avec la conscience. Mais l'être humain, il a comme une cornemuse. Il a rempli sa cornemuse de mots. Et là, une cornemuse, c'est simple. Hein, on souffle là-dedans, on remplit une popoche. Et là, quand on se met à jouer, on écrase la popoche, puis là, on joue. Puis quand on arrête de souffler, puis on joue. Puis là, on prend un souffle, on joue pendant ça. Puis là, on fait, puis on continue à jouer. Ça joue sans arrêt, comme si on soufflait dedans sans arrêt. La pensée, c'est comme ça. Et j'explique ça aussi de temps en temps à certaines personnes. Puis ça, même si je le dis comme ça rapidement, ça donne des idées qu'il y a des façons d'éliminer la pensée, de rester vivant et d'être totalement, totalement efficace si on fait les choses. L'individu, par exemple, qui pense nécessairement à un jeu oculaire. Bon, je n'expliquerai pas toute la mécanique, mais l'individu qui pense est toujours en train de fouiller dans une mémoire ou dans une autre. Demandez à un individu de vous fixer et d'avoir un contrôle du cristallin, de vous voir clair, posez-lui des questions, c'est plus capable de répondre. À un moment donné, il faudra qu'il se branche quelque chose d'autre que j'appelle une forme de savoir instantané. Bon, à un moment donné, il aura un savoir direct instantané. La pensée, c'est une farce, c'est une frime. L'être humain qui dit « j'arrête ma pensée », on ne doit pas arrêter la pensée. Il ne doit plus y avoir de pensée. Après 500 conférences sur des sujets différents où je ne censure jamais les questions, je réponds à n'importe quelle question, j'écris des livres selon la demande sur n'importe quel sujet que tu voudras, je le fais, tout le monde peut le faire. La seule nuance qu'il y a, c'est que moi, je me suis autorisé à dire n'importe quoi, pour commencer, hein, mes deux premières années de conférence, je dis n'importe quoi. Bon, progressivement, c'était n'importe quoi raisonnable. Et je n'ai jamais arrêté la pensée. La pensée me fuit, je commence à me réchauffer, puis finalement, tout ce que je dis, je ne l'ai pas en pensée. Bien souvent, j'apprends moi-même dans mes conférences. C'est pas de la pensée. Alors, j'ai la pensée, je n'ai pas encore la conscience cosmique. C'est évident. Pourquoi? Parce que vous avez une pensée fixe. La pensée est là, elle prend toute la place. Si je mets mon poing dans l'eau, l'eau sort. Si je dis oui, mais là, j'ai arrêté de bouger les mains, il n'y aura pas plus d'eau. À un moment donné, on changeait de verre parce que je ne veux pas ça boire dans. Bon. Mais la pensée, même si tant que la pensée est là, la conscience ne peut pas rentrer, la conscience, elle rentre. C'est simple. Vous voyez un arbre et en même temps, vous voyez un arbre qui est beau. C'est fait. Bon. Je n'ai pas de conscience. Comment être conscient de l'être? Comment voulez-vous être conscient de l'être? Lorsque vous allez être, vous n'aurez pas besoin d'être conscient de l'être. C'est un problème, une forme de paradoxe pour celui qui se conscientise. Quand tu auras abouti, tu ne le sauras pas. C'est tant que tu n'es pas dedans que tu le sais, mais quand tu auras abouti, la conscience que tu auras sera tellement différente que tu ne te diras pas, voyons ce que j'ai abouti. Qui peut me dire si j'ai abouti? Là, c'est comme si tu disais. J'ai un diplôme d'évolution. Si tu disais l'ego d'un coureur, tu fais une course, puis quand tu vas gagner la course, tu ne te rappelleras même plus que tu fais une course. Exact. C'est ça. Mais il va être heureux, il va rentrer chez lui, puis il ne se prendra pas pour un autre. Conscient de l'être, même en restant dans le corps. Le corps n'est pas un problème. Le corps n'est pas un problème. La pensée en est un. Le fait que nous soyons toujours en train d'exprimer la pensée, cela veut dire parler tout haut. Parce qu'il y a une nuance entre penser tout haut, plutôt, et parler. On parle dans sa tête lorsqu'on contrôle. On pense dans sa tête lorsqu'on est contrôlé. On pense tout haut lorsqu'on est contrôlé. On parle, cela veut dire que je parle et je m'entends. Un employé me téléphone et je dis « Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? » Et je me suis écouté parler. Je veux dire « Bon, non, c'est une farce. » Je ne pourrais pas. Si je ne m'écoute pas parler, « Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? »« Ah, c'est pas rien, ça, ouais. » »« Ben, tu sais, bon, là, je gueule. » Clic. J'ai aucune conséquentialité à mes actes. Je ne suis pas présent. Je ne sais même pas ce que ça va faire sur l'employé, sur l'entreprise, sur moi-même, sur mon corps physique. Je suis manipulé. Si je commence à parler et qu'en même temps je m'entends parler, donc je parle. Immédiatement, je rectifie. L'ajusteur de pensée, l'ajusteur de parole, le rectificateur, immédiatement tout est rectifié et je suis vivant. La pensée ne peut plus fonctionner. Alors, je peux même faire ce que j'ai fait tout à l'heure, une espèce d'histoire qui a une suite et qui n'a pas de sens. Je contrôle totalement la structure des choses assez que c'est comme plaisant, puis à un moment donné, on ne sait plus où je vais. Mais c'est pas cassé. Être conscient dans son corps physique, totalement faisable. Pour simplifier les choses, on commence à appliquer une chose banale, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand vous allez sortir, quand vous allez vivre, ben, écoutez au moins ce qui se dit par votre bouche et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez le faire taire. La parole ajuste la pensée. C'est-à-dire que par votre parole, vous pouvez restructurer, réajuster, réaligner le manipulateur fécond chez l'homme, la pensée. Vous êtes couché, puis là, votre mari, votre femme n'est pas là, puis là, il y a des pensées. Alors, peut-être que... Pensez tout haut, dites-le. Ouais, mais là, peut-être qu'elle a eu un accident. Ah non, ça n'a pas d'allure qu'un accident, on est en train de me raisonner. On est deux, des fois, ça va sauver. Peut-être qu'elle est sortie qu'un autre. Pensez tout haut, écoutez bien. Puis quand vous n'êtes pas capable, enregistrez-vous, là, puis une semaine après, écoutez-vous. Vous allez voir comment vous allez vous trouver con. Qu'est-ce qui est con? Le cave. L'ego chez l'humain. Pas vous. Si vous êtes capable de voir que c'est stupide, c'est que vous n'êtes pas stupide. Je le dis souvent. Quand on pose la question à quelqu'un, « Trouves-tu ça intelligent de te droguer? » La personne dit « Non. » Mais elle se drogue pareil. Alors, on pose la question, « Alors, pourquoi te drogues-tu? » Je le dis, vous ne pourrez jamais répondre si vous pensez que c'est unitaire. À l'instant, vous dites, « Parce qu'on est deux dans le même corps. » De la mémoire, programmée, habituée, qui va prendre de la drogue, et de la conscience, qui, elle, sait que ce n'est pas correct. Voilà pourquoi je me drogue. Voilà pourquoi je fume. Je sais que c'est stupide de fumer. Je ne suis pas stupide. Pourquoi fumes-tu? Je ne fume pas. C'est quelque chose chez moi, de la mémoire, de l'habitude, des stéréotypes, qui contrôle plus le corps que moi. Je ne suis pas le maître contrôleur chez moi. Et ça fume. Et quand ça fume, ça me rejette. Je n'ai pas conscience. On peut intelligencer, j'en ai parlé souvent. La pensée... C'est un problème. Être conscient dans le corps physique, c'est totalement faisable. C'est une personne, l'ego, à un moment donné, peut dire « Je suis tellement parfait que si je ne suis pas parvenu, c'est parce que mon corps n'est pas bon. » C'est facile. Mais c'est pas parce que ton corps n'est pas bon que tu chiales. Un individu peut-il avoir plus qu'un ego? Sinon, pourquoi? Bon, un individu peut avoir plusieurs égos. Normalement, les égos sont pluriconstitués, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a expérimenté la peur, partie qui maintenant a besoin de la peur pour s'alimenter. Recherchera les films d'horreur, recherchera les manèges à la ronde, etc. La course automobile, bon. Une partie qui a été énergisée par la mère recherchera quelque chose qui pourrait l'alimenter, soit sa mère, soit une femme, soit bon. Alors, les égos sont pluriconstitués, c'est pourquoi... Bien souvent, il y a des petites communications, des paroles. Ben, je veux pas y aller, mais je devrais y aller. Mais, ah, tente pas. Ouais, mais ta mère va dire, puis on dialogue. Il y a une partie qui veut se nourrir, une partie qui veut pas. Bon. Pluriconstitué. Deux égos, dédoublement de personnalité. Ça arrive rarement. L'individu peut être très violent, toujours violent. Puis après 6-7 mois, ça change. L'autre égo prend le dessus. C'est un individu qui peut être un savant. Bon. Un individu qui est savant, qui n'est pas savant dès le départ, mais qui aimera s'instruire, qui aimera aller à l'école. Puis quelques mois après, paf, le colérique revient, lâche l'école, on retourne. Dédoublement de personnalité. Dans le livre des records Guinness, on parle d'une personne qui avait 21 personnalités. Qui avait donc 21 égos. Je n'avais jamais entendu parler de la simplicité d'une façon aussi simple que ce soir. Vous avez totalement raison et je crois que ça va m'aider. C'est pas une question, c'est un commentaire. Je n'ai pas totalement raison. Moi, je parle. Hein? Celui qui applique a raison d'appliquer ce qu'il peut appliquer. J'ai des enfants turbulents. Je ne suis pas le seul. Des enfants turbulents. Tu connais une autre sorte d'enfant? Hein? Qui, à la longue, m'agresse, m'épuise. Est-ce une illusion? Je sais qu'en réalité, à la fin de la journée, je suis épuisé. Est-ce une illusion? Je sais du moins, je crois comprendre que ce sont des illusions. Aidez-moi à le réaliser. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider à le réaliser. Pourquoi? Parce que le fait d'être épuisé à la fin de la journée n'est pas une illusion. Le fait que les enfants soient turbulents n'est pas une illusion. Je ne peux donc pas vous aider à réaliser que c'est une illusion. Les enfants sont turbulents parce qu'on les laisse faire de la turbulence jusqu'à temps que la partie de notre ego qui se nourrit de la turbulence soit gavée. Alors, elle se déconnecte, elle se détache de nos capteurs, nos sens, et là, il y a une partie qui a besoin de tranquillité qui vient maintenant se nourrir, s'approvisionner, et elle s'approvisionne de turbulence. Alors, elle va résister, accumuler une espèce de colère, de frustration, et quand ça éclate, bien là, on casse tout. Là, on éclate, on y va. Chicane les enfants, en tout cas, on y va. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait fonctionner plus simplement. Je rentre à la maison, les enfants courent, sautent par-dessus un meuble. Si vous les laissez sauter par-dessus les meubles, ils sauteront par-dessus les meubles. Ils ne sont pas turbulents. Ils font ce qu'on leur permet. À un moment donné, si tu décides que tu ne veux pas que les enfants soient turbulents, eh bien, tu vas t'arranger pour calmer l'atmosphère. Enlever les meubles. Enlever les meubles. Ou enlever les enfants. Ou leur montrer à faire le tour des meubles. Bon, on ne peut pas changer radicalement tout d'un coup, parce que les enfants ont maintenant de l'expérience égoïque de la liberté dans la maison, et s'en nourrissent. Si tu arrives, tu décides que tu changes tout, tu ne reconnais pas tout. Il faut y aller progressivement. Mais un enfant turbulent, les parents, ce qu'ils font, et ça, j'en ai vu souvent. Il y avait une petite fille, à un moment donné, on était au jardin botanique. Et puis, elle touchait un peu aux fleurs. La mère était là. « Veux-tu lâcher les fleurs? » Lâchait les fleurs. La touchait au cactus. « Veux-tu lâcher les cactus? » Lâchait les cactus. La touchait aux arbres. « Veux-tu lâcher les arbres? » Lâchait les arbres. La touchait aux fleurs. Puis là, tout le long, parce qu'on suit là-dedans, quand on est rentré dans une serre, il faisait plus chaud, l'atmosphère devenait plus chaude aussi. Puis là, finalement, la mère, tu voyais que ça montait. La petite fille, elle n'écoutait pas, elle avait peut-être 9 ans. Elle n'écoutait pas. À un moment donné, on vient sortir, et puis là, on va chercher un petit peu de bouffe quelque part, puis la mère arrive avec la fille. Puis ça continue. Veux-tu? Là, elle va me dire, c'est pas une illusion, ça! Non, mais c'est parce que vous faites exprès, inconsciemment, pour vous écœurer, pour après ça pouvoir mériter votre paradis. Rendu sur le bord du trottoir, la petite fille approche du trottoir. La mère a dit, veux-tu rester à côté ici? La petite fille, elle reste sur le bord du trottoir. Là, la mère, là, elle éclate. Elle ramasse la fille par les cheveux, puis elle la ramène, puis elle raide à côté d'elle. Là, la petite fille, ce qu'elle va comprendre, elle, c'est que tout est permis, mais pas sur le bord du trottoir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est l'accumulation de frustration. Et là, on va dire, c'est une petite maudite aguissable. La mère, elle, éduque sa fille à faire tout ce que sa fille veut jusqu'à temps que la mère éclate. Maintenant que la mère a éclaté, bien, ça va prendre un autre mois avant qu'elle éclate. Que la petite fille, elle a tout un mois encore, fait ce qu'elle veut. Turbulent dans la maison, non, l'illusion, c'est la façon dont on laisse les choses toujours aller. Comme tout à l'heure, je disais, tu es dans ton automobile, tu es mal pris, fais quelque chose ou ne fais rien. Mais chialer, ça sert à quoi? Tes enfants sont turbulents. Tu vas les laisser t'écœurer jusqu'à quand? Tu ne rentres pas dedans. Là, ils ont le droit de vivre aussi. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Si je donne, moi, un jeu silencieux à un enfant, il va s'amuser avec. Si je lui donne des pétards à mèche, il va s'amuser avec. Il n'est pas plus turbulent parce qu'il prend des pétards à mèche. C'est ça que je lui ai donné. Je l'autorise à. Quand après ça, je passe au jeu silencieux, son ego a expérimenté des bruits. Il a besoin de bruit. Il faudra que je procède progressivement pour l'habituer d'autres choses. L'illusion est simplement dans les problématiques. Il n'y a pas un problème qui est suffisamment grand pour qu'un être humain ne puisse pas l'abandonner. L'illusion, c'est de conserver ces maudits problèmes collés après nous autres uniquement comme ça parce qu'on ne pense pas qu'on peut s'en sortir. Une personne va dire, ben oui, mais ça veut dire que mes enfants, j'ai qu'à sacrer la rue. Non! Oui! Mais on peut faire différemment. Sauf que tu laisses le problème grandir. Il y a une petite mauvaise herbe qui sort dans ta cour, là. Quand c'est rendu un chêne, tu te dis, on ne devrait jamais. Tu savais qu'elle l'arrachait quand c'était le temps. C'est tellement facile. L'enfant commence à faire des conneries. Il faut savoir quand est-ce qu'une connerie. Il faut quand même qu'il puisse vivre. Puis on élimine au fur et à mesure. Mais bien souvent, ce que les parents font, comme ce que l'humain fait, ils espèrent. Bon, ben espérer, puis à un moment donné, ça marche tout croche, tout travers. L'espoir, c'est une drogue assez intéressante. L'illusion est uniquement le fait de laisser tout y aller, y aller, y aller, y aller, puis après ça, ben là, on éclate. Mais être épuisé, c'est évident qu'on est épuisé. Je connais des personnes, moi, qui vont le matin travailler. Alors là, ils travaillent. Quand ils reviennent, ils sont épuisés. Leur vie est une illusion, pas leur fatigue. Ils ne savent pas comment vivre. Ils travaillent. Ils se stressent. Ils téléphonent. C'est engagé. C'est vraiment maudit. Quand même, le temps. Christi, le temps. Si tu es en retard, si tu le manques, si tu t'en vas. Gueule pas, ça ne va rien changer. Travaille, ce monde-là. Là, change l'appeler quatre fois. Il y a bien qu'elle appelé une seule fois, la bonne. Change l'appeler quatre fois, parce que sinon, méritoire. T'appelles, c'est engagé, total. Puis à un moment donné, t'es fatigué de signaler. Ben, Christy, tu te payes un téléphone qui va signaler pour toi tout seul. Ah, mais ça coûte de l'argent. Bon, mais chale de bord. Tu sais, on peut régler tellement d'affaires qu'on l'humain ne veut pas régler. Moi, je détestais téléphoner. Je manquais même des possibilités. Or, je me suis acheté un appareil qui met 120 numéros de téléphone là-dedans avec les noms. Puis là, maintenant, ben, je paye deux touches, puis ça signale pour moi. Puis je me suis pas mis à sécréter pas chialer. Puis si ça n'aurait pas existé, ça, j'aurais pas téléphoné plus. C'est simple. J'aurais manqué des occasions. Puis, il y en a qui n'ont pas manqué des occasions. Ils sont bourrés de médicaments, stressés au bout. Souvent, ils ont perdu leur femme, leurs enfants ou leur mari. Pas manqué d'occasion. Christ, on est ça peut-être autrement que pour réussir des petits coups dans les affaires. Surtout que plus tu te conscientises, moins tu travailles, plus ça fonctionne. Alors, franchement. On va en parler. La technologie dans le domaine de l'informatique évolue d'une façon exponentielle et englobe de plus en plus de secteurs dans la société. De plus, ces systèmes informatiques sont interreliés dans des réseaux de plus en plus vastes. On voit en même temps la fragilité de l'informatique, par exemple la façon dont un enfant a pu pénétrer dans le système du Pentagone. C'est quoi la fragilité de l'informatique? C'est la fragilité de l'humain, qui n'arrive pas à comprendre qu'il faudrait qu'il arrête de voler tout ce qu'il peut trouver. La façon dont la bourse est à la merci des programmes de vente par ordinateur. C'est l'humain encore qui panique. La façon dont un virus peut se répandre mondialement. C'est l'humain. Quand on pense aussi à la fragilité du support magnétique, disquette et bande magnétique, c'est un simple champ léger. Okay, c'est humain qui n'arrive pas à la mettre. Sommes-nous en train de construire un monstre dont nous ne serons de plus en plus dépendants et dont la fiabilité ne tient qu'à un fil? Serait-ce la bête, le 666 dont parle l'Apocalypse? Mais non, ça c'est le 666 dont parle... Moustachu. Explique ce que l'informatique réserve à l'homme à court, moyen, long terme. Comment nous prémunir contre une trop grande dépendance face à un outil pourtant si utile? C'est comme la personne qui dit les cartes de crédit, c'est dangereux. Mais comment en haut? C'est bien simple. Oui, mais à un moment donné, les banques, il y a bien du monde qui ne voudront pas avoir un compte informatisé qui fait que tu vas avec une carte d'achat. Fait que les banques, ils vont faire comme les produits, peut-être des produits biologiques ou des produits peut-être irradiés. C'est la clientèle, c'est question d'offre et de demande. Ils ne sont pas dans un système communiste, donc l'offre et la demande, il n'y a aucun problème là. L'informatique, c'est extraordinaire. On n'en serait pas où on en est aujourd'hui sans l'informatique. Elle peut servir à engendrer une robotique qui va désassujettir l'humain d'un paquet de travail. Il y a tellement de choses que l'on peut faire qui sont absolument géniales. Si on regarde les fax, tu peux te servir d'un télécopieur. Bon. C'est absolument parfait, tu envoies des informations de place à l'autre, tu sais, de l'informatique et des micro-puces là-dedans. L'informatique n'est dangereuse qu'à cause de l'humain. Quand on a inventé le bazooka pour tuer les tyrannosaures rex qui nous attaquaient, les dinosaures, c'était correct. Quand l'humain s'en est servi pour descendre les maisons de son voisin, c'est dangereux. Les bazookas sont dangereux. C'est de l'orgueil. Le bazooka n'est pas dangereux. J'en ai vu, moi, en photo, j'en ai vu en réalité, pas de danger. Mais un humain là-dessus, c'est problématique. L'informatique, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, bon, le système boursier doit être comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on y va par papier, etc. Là, on va dire, oui, mais on est sujet à l'erreur humaine. Tu connais peut-être ça, les bureaux où tu vas, là, puis tu vas, par exemple, régler quelque chose au gouvernement, puis deux mois après, ben là, ils t'envoient encore un compte. Là, tu dis, hey, j'ai payé le compte. Ah, c'est à cause de l'ordinateur! C'est à cause de l'imbécile qui ne rentre pas les informations. C'est pas à cause de l'ordinateur. C'est continuellement comme ça. Le virus, c'est la même chose. Les virus ne se créent pas eux-mêmes dans le système informatisé. C'est des humains qui placent des virus là-dedans. Et chaque fois, on arrive à contrer aussi. C'est donc une mécanique humaine. Tant que l'humain ne sera pas suffisamment capable de vivre différemment de l'animal, on aura ces problèmes-là. L'informatique n'est pas un monstre. Vous n'y serez pas totalement assujettis. Sachez une chose. Votre conscience ne sera jamais à la merci de l'informatique. Même si la CIA, la GRC, le MI6, le SEDEC, n'importe quel système de police secrète qui sont en réalité des gouvernements qui secrets qui dirigent beaucoup plus les gouvernements qu'on vote, ne pourront jamais ramasser ce qu'il y a dans votre conscience. Ne pourront jamais vous rendre malheureux. Ne pourront jamais vous faire peur. Par la pensée, oui, mais ça c'est parce que vous acceptez le codifiage. Quand on dit danger, vous avez peur. Bon, l'informatique, ce n'est pas un problème. Moi, je travaille quasiment uniquement avec les systèmes informatisés. Plus ça va aller, plus l'humain va se conscientiser aussi. Puis ceux qui sont les plus dangereux, ils vont finir par s'entretuer. Finalement, on va avoir la paix. Ce n'est pas un danger. Ce n'est pas la bête 666. Le 666, c'est la science. Bon, d'accord. L'informatique, c'est comme la science. Mais c'est l'attitude mentale, l'attitude psychologique que l'humain place dans la science. La bête fera les mêmes miracles, apparemment, que ce que l'homme peut faire. On va dire ce que Dieu peut faire. La bête peut ressusciter, réanimation cardio-respiratoire et cérébrale. La bête peut, bon, plein de choses. Mais c'est pas ça la bête. La bête, c'est lorsque l'homme va penser que l'expérience, la mémoire chez lui, qui s'exprime en science, peut tout régler. La science, elle peut prouver des choses, mais elle ne peut fouiller là où la théologie fouille. Si moi je pose la question à la science, qu'est-ce qui fait qu'un grain de blé dans la terre se transforme en plein de blé? La science ne peut me l'expliquer. Elle va me décrire le processus, mais elle n'expliquera jamais pourquoi il y a le processus. La théologie pourra me l'expliquer. Voilà. La théologie pourra me l'expliquer. Mais la théologie ne pourra jamais me prouver l'explication. L'être humain doit s'aligner entre les deux. L'ordinateur, l'informatique, c'est simplement un support matériel de la mémoire. Vous savez ce qu'on doit faire avec l'ordinateur? Prendre toute notre évolution mémorielle et le lui confier. Et nous, ne nous occuper que de l'instantané. Je dis souvent que le retour aux sources, c'est quoi? C'est une maison parfaite pendant que les robots font le ménage, se promènent dehors dans le bourg des enfants. L'humain restant mémoriel, le retour aux sources, c'est le foyer à vos combustions là, c'est fendre son bois l'hiver et geler des mains. C'est faire de l'agriculture biologique ou, comme on a au Québec, où les enfants sont réveillés à 6 heures du matin pour aller planter des bébelles, mais tu ne veux pas qu'une seule maudite machine touche à nos plantes. Et que les machines touchent à nos plantes, pendant ce temps-là, on va pouvoir vivre en tant qu'être humain. L'informatique n'est pas le problème. Les bombes nucléaires ne sont pas le problème. La matière n'est pas le problème. Et l'humain, une partie de lui est un problème, c'est le virus, la pensée, entre autres. T'as peur? L'informatique n'est pas la bête. C'est l'attitude, c'est la foi en la science qui est la bête, comme la foi en la théologie est une autre connerie. La foi est toujours aveugle. Parce que si tu n'as pas une foi aveugle, tu auras toujours la possibilité de découvrir qu'il existe d'autres choses, puis là, tu tombes dans le doute. Le doute, c'est salutaire. Mais pour la mémoire, le doute, c'est amener des informations neuves. Donc, c'est souffrant. La foi est une cristallisation de mémoire. L'informatique, aucun problème. J'écoutais une émission télé hier soir montrant des gens qui racontaient avoir vu et entendu des fantômes qui avaient l'air de s'amuser follement. Exemple, une voiture qui se met en marche tout seule avec klaxon et essuie-glace en fonction. Image de l'écran télé qui tourne sur lui-même, une sorcière en feu qui apparaît. Est-ce un jeu pour certaines entités? Est-ce une illusion? Quelle en est la mécanique? Ce n'est pas une illusion. Tout ce que l'humain peut imaginer est une réalité. C'est l'interprétation émotive, l'interprétation cartésienne qu'il fait de ce qu'il imagine, qui est l'illusion. L'illusion n'est pas l'objet, l'illusion est la compréhension qu'on a, la gonie, la zophie qu'on va placer dans la communication avec l'objet. Lorsque, par exemple, le moteur, l'automobile s'allume, etc., puis ça klaxonne, c'est de l'électricité. Mais juste l'humain, par son corps vital ou en télékinésie, peut le faire. C'est évident que n'importe quel phénomène électromagnétique peut le faire, que ce soit le passage d'une soucoupe, enfin d'un phénomène extraterrestre, que ce soit un phénomène magnétique terrestre et local, ça peut être... Bon, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer ça. Ce que l'humain devrait faire, c'est que l'humain, c'est bon que ça arrive, ça. Il devrait avoir une sorcière qui apparaît chez vous de temps en temps. Pourquoi? Juste parce que vos égos seraient confrontés à du neuf. Bon, l'image de télévision qui tourne de même. La première fois que j'ai écouté la télévision, à un moment donné, ça s'est mis à faire blablabla. J'ai eu peur, traumatisé, possession de ma télévision. Pouf! N'ajustez pas votre appareil en nuit technique. Là, je me suis dit, crime, Dieu me parle. Et quand j'ai eu 2 ans et demi, j'ai appris que c'était pas Dieu, que c'était des affaires normales. C'est des algues. Ouais, ça pesait beaucoup, puis ça tombait. L'image tombait, tu sais. J'ai travaillé avec beaucoup d'électronique. Tout les automobiles que j'ai eues, je les brisais. Jusqu'à temps que j'en ai une suffisamment puissante pour supporter mon énergie. Les ordinateurs que j'ai eus, je m'approchais, plantais. Jusqu'à temps que j'en achète un super blindé, super puissant, super complexe, super gros, etc., pour résister à ce que je suis. À un moment donné, ça m'a encore planté. Il y a une personne qui travaille au bureau, et là, c'est une amie gomille qui est là, puis quand elle s'en approche, souvent, tout devient fou. Et là, elle dit, oui, mais est-ce que c'est de ma faute? Vision humaine. C'est pas de ta faute. C'est à cause de ta présence. C'est pas de ta faute. À un moment donné, on va s'arranger pour te fournir quelque chose de plus solide. Bon, en termes de matière. Les sorcières, les civils, ça, il y a tellement de choses qui existent. Parce que ça apparaît à un moment donné, ben l'humain a des problèmes avec ça. Oui, on donne. Savez-vous combien de personnes essaient à côté de vous présentement? Que vous ne voyez pas? Combien il y a de personnes qui flottent au-dessus de vous que vous ne voyez pas? La journée, vous allez les voir, ça va changer le monde. Il faudrait vérifier. Ils auront toujours été là. Est-ce qu'il y avait leur billet quand ils rentrent? Non, ça, il doit y avoir quelqu'un dans l'astral qui collecte. C'est assez salaud pour ça. Là, ça ne peut pas, hein? Mais l'idée, c'est pas ça. Lorsqu'à un moment donné, on le voit... Bon, moi, je me promène dans la forêt. Hein? Dans la forêt, il y a des chevreuils, il y a des loups, il y a quelques lynx, il y a des porcs-épics, il y a des jets bleus, bon. Et on se promène dans la forêt du Québec, et puis à un moment donné, on tombe, je dois pas y aller, mais on tombe vision en vision avec 3 chevreuils. Les personnes qui sont avec moi sont « Ah, oh, wow, des chevreuils! » Il n'y a plus de chevreuils. Mais tout le temps qu'on est dans la forêt, il y en a des chevreuils. Parce qu'on les voit, ça change tout. C'est ça qui est le problème. L'humain considère tellement tout comme étant anormal, fantastique, merveilleux, trippant, épeurant, dangereux, stressant, au lieu simplement de continuer. Tu vois des chevreuils, c'est normal, tu vois des chevreuils. Ton lieu, tu es dans une forêt où il y a des chevreuils. Mais l'humain ne réagit pas de même. À ceux qui vont avec des fusils pour être sûr que quand ils vont l'envoyer un, ils ne vont pas le ramener chez lui. Bon. Pour montrer aux autres si c'était bien vrai qu'il y avait un chevreuil. C'est bien un chevreuil. L'humain est fier, il revient de la forêt au camp principal. « Hey, j'ai vu un ours! » Ouais, c'est normal. C'est naturel, tu as vu un ours. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux, un ours! Tu vas au Steinberg, tu dis « Hey, j'ai vu une carte de petits pois. » Mais ça m'a même affaire. Même affaire. Quand on parle d'illusion, c'est ça l'illusion. Là, la personne, quand je dis « Ben, c'est un ours, oui, c'est... » Oui, mais c'est sérieusement, c'est le bord du chemin. « Ah oui, je te crois, as-tu mangé? » Ah oui, mais ça va là à rien de faire. Si t'as vu un brontosaure, peut-être que là, je pose des questions, mais je dis un ours, c'est normal. Là, elle va me dire, t'en as-tu déjà vu un? Non. Mais c'est pas la raison pour qu'elle elle n'en voit pas. La façon de voir les choses est différente. Même chose. J'ai vu une canne de petits pois chez Stamberg. Yeah! Félicitations. L'as-tu tiré? L'as-tu ramené à la maison? Peut-on emmagasiner de l'énergie à un endroit précis et retourner 2 ans plus tard et ressentir un transfert, un peu comme un retrait monétaire à la banque ou serait-ce de l'énergie yin en plein jour? L'énergie yin peut-elle se manifester en plein jour? Bon, tout est possible et la personne se répond elle-même à ses questions. Alors, je ne vais pas perturber sa faculté de répondre, elle le sait. Quand l'ego veut chialer et que je ne peux pas le contrôler, je m'arrange pour rester seul jusqu'à ce que le calme me revienne. Y a-t-il mieux d'autre à faire? Quoi? Je m'aperçois que lorsque le calme revient, je perds intérêt à la vie. Quoi faire de mieux? Quand le calme revient, c'est parce que vous avez réussi à bloquer le canal réincarnationnel, qu'on appelle souvent la corde d'argent, mais c'est par là que ça se réincarne. Bon. Quand ça s'est bloqué, il n'y a plus de stimulation qui anime l'ego. Parce que vous êtes dans un endroit calme, il n'y a plus de rien qui vient nourrir les parties de l'ego. On a parlé de la glace un peu la semaine dernière, c'est la même chose. Les parties de l'ego, l'âme mémorielle, est assujettie à deux seules lois. La première, s'exprimer pour savoir qu'elle est là. La deuxième, se nourrir pour ne pas s'oublier. Il y a des stimulations du canal réincarnationnel, c'est-à-dire que la personne est assise, fait rien, mais il se met « Ah, on va le prendre bien. » Bon, c'est des stimulations d'un contexte collectif. Si ça s'est étranglé, il n'y a plus rien. La personne doit donc maintenant travailler avec elle-même. Alors, elle doit égoïquement s'énergiser. Elle va prendre des photos, elle va regarder, bon, elle nostalgise. Si elle a un ajusteur de pensée suffisamment réveillé, donc si elle a suffisamment d'intelligence capable de communiquer dans sa conscience, elle aura maintenant, elle sera capable de supporter 3 heures devant un lac ou devant sa télévision éteinte sans avoir de problème. Elle deviendra super patiente, mais pas niaiseuse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on fait rien, c'est simple. Et elle va progressivement faire comme le chat, peut-être qu'elle va se coucher, elle va dire « Grim, je vais en profiter pour reprendre mes 20 années de sommeil que j'ai perdu. » La personne commence à ne plus avoir de goût à la vie uniquement parce que sa structure mentale n'est pas stimulée par quelqu'un qui lui parlerait ou simplement par le désir, la possibilité d'atterrir de l'intelligence dans la matière, ce que je dis souvent, monnayer son intelligence. Elle pourrait faire beaucoup de choses pour ça, ça va venir à un moment donné. Et parce que le canal réincarnationnel commence à être étranglé, il y a un problème. Il y a même des personnes qui, un jour, se suicident, c'est l'ego tue le corps physique pour regagner le monde de la mort, parce qu'il n'est plus capable de supporter sa désintégration, l'incapacité de s'exprimer et de s'alimenter. Bon, une bonne chicane, ça règle le problème souvent. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit avoir suffisamment d'informations pour programmer son ego. Elle est calme. Elle ne voit plus de raison à la vie, puis elle doit maintenant savoir, donc se rappeler, savoir que ça fait partie des structures normales, naturelles, de l'allégoïsation, donc de l'évolution vers une conscience lucide, et elle doit connaître suffisamment les mécaniques, j'en ai parlé souvent. Bon, peut-être qu'elle a fait le séminaire, elle a suffisamment d'informations, quitte à ce qu'elle en écrive quelques-unes à un moment donné sur le papier, histoire de ne pas se retrouver, mais... Sachez une chose, chaque fois que vous êtes totalement mal pris avec vous-même, bien souvent, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre ce qui se passe. C'est prévu. C'est comme si je dis à un alcoolique, il y aura à un moment donné, pendant la période de sevrage, possibilité qu'apparaisse une forme de délirium. Bon, un stress total. Tu ne seras pas fou. Ça peut te rouler à terre. Ça fait partie de la mécanique du sevrage. Quand ça arrive, il se tourne à terre, puis là, il crie, puis tu dis, « Hey, tu le sais, c'était prévu. Donc, ce qui t'arrive, c'est bon. » Pas ça, mais on sait où ce que t'es rendu. Quand il revient, « Ouais, mais crime, j'étais-tu fou, j'étais-tu en train? » On te l'a dit deux mois avant que ça t'arrive. Donc, c'est pas une raison, je te donne t'encourager, je t'ai averti que ça donnerait ça. Maintenant que tu le sais, sache-le, puis continue. La personne qui vit cela, souvent, elle a suffisamment d'informations pour être capable de passer à travers. Mais c'est tout à fait naturel lorsque on va s'enfermer. Si on bloque le contact avec le canal réincarnationnel, la folie de l'ego va finir par s'en aller, ça va s'étouffer comme un feu qu'on n'alimente pas. Et après ça, l'âme anime le corps physique. N'étant pas stimulé, il n'anime plus le corps physique. J'étais assis là, est-ce que je vais travailler? Pourquoi aller travailler? On va rester ici. Pourquoi rester ici? Pourquoi vivre? Moi, me suicider. Pourquoi me suicider? Pourquoi mourir? Et que c'est con. Mais la personne, elle doit maintenant faire des push-ups. Elle doit courir dehors. Elle doit en profiter pour faire des choses qui, de toute façon, vont être intelligentes. Parce que la journée qu'elle va avoir une conscience juste un peu plus réveillée, elle va avoir un corps, ça va trop gâcher. Parce que sachez que vous savez une chose, hein, c'est les mêmes choses. On se réveille lentement, on sort un œil de la brume. Là, on voit moitié. On voit clair, puis on voit toute brume embrouillée. Ben, le cerveau, il mélange les deux, ce qu'on voit, on reste encore de l'illusion. On est proche de la réalité, on commence à voir de la réalité, c'est tellement mélangé, ça reste de l'illusion pire que totalement dans la brume. Ben, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, faites des choses intelligentes. C'est intelligent de se tenir en santé, c'est intelligent de... Bon. Et puis, à un moment donné, ça va sortir, il n'y a pas de problème. Ces temps-ci, j'ai l'impression de passer à travers un rideau. Je ne vois rien, j'avance parce que j'avance, je me sens vide, je ne vois rien devant ni derrière. Je ne dors pas la nuit, c'est vide. J'attends. L'attente est vide, la vie est plus forte que moi. Je n'ai pas le choix de vivre. Je n'arrive même plus à être révolté. Que se passe-t-il? La personne est présentement en train de digérer énormément d'énergie. Et digérant énormément d'énergie, elle est totalement dans un état de transition. À un moment donné, elle va se reterrestrifier. Puis elle pourra continuer, ça va se faire rapidement, c'est une phase qui sont normales, on ne devrait même pas s'inquiéter. Quels sont les facteurs qui font apparaître la maladie d'Alzheimer? Est-ce des circonstances reliées au physique comme la pollution, l'alimentation et la psychologie de l'humain? Ça, j'ai oublié, c'est pas les facteurs qui... Non. Bon, la maladie d'Alzheimer, si on a le temps, on va y revenir. Je vais quand même répondre très brièvement, là, mais ça va être un peu long, puis comme j'ai déjà pris un peu de temps pour les autres. Est-ce que ce sont des circonstances physiques comme la pollution, l'alimentation, le... Bon, c'est évident que plus on entretient son corps, son cerveau, mieux c'est. La majorité des êtres humains devraient isométriser leur cerveau, ce qu'on ne fait pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous prenez votre main droite, c'est pour les droitiers, vous écrivez votre nom. Allô, je suis Daniel Kemp. Prenez la main gauche, allô, je suis Daniel Kemp, vous allez voir qu'il y a un enfant de 5 ans qui vient d'écrire là, puis il y a vous qui vient d'écrire là. Parce qu'on a un cerveau extrêmement jeune, avec des idées jeunes, ça fait une compétition avec nous en tant qu'adultes. Ça crée un stress intérieur, premièrement. Deuxièmement, parce qu'on utilise à peu près jamais la structure cérébrale, c'est inévitable dans certains cas qu'une partie du cerveau va lentement se désintégrer. Les neurones meurent. Soit parce qu'il y aura à un moment donné une forme d'ischémie, il va manquer d'oxygène, mais ça apparaît presque pas. Parce qu'il y aura une mauvaise alimentation, ou il y aura manque de dextrose, manque d'aliments, ou pénétration d'éléments qui sont dommageables. Il y a différents facteurs qui vont expliquer qu'à un moment donné, il y a des contacts entre la partie où s'exprime la conscience, l'âme, dans le cerveau qui commence à se défaire. La dépolarisation devient différente, les vieilles mémoires peuvent prendre de dessus, lentement l'individu se rappelle pas ce qui se passe pour se rappeler ce qui s'est passé, et la personne qui est rendue, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, on peut faire quelque chose, mais c'est complexe. Ce qu'on devrait faire normalement, c'est toute notre vie être ambidextre, travailler différemment. Alors on ouvre ses serrures de la main gauche de temps en temps, de la main droite, hein, quand on joue au ping-pong, on joue des deux mains. Quand on... à peu près tout ce que l'on fait de temps en temps, on s'efforce à devenir ambidextre, à isométriser notre cerveau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices cérébraux que l'humain devrait faire, puis l'humain ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est acquis, puis à un moment donné, on finit par s'écraser là-dessus, puis on s'en va. Dépendant de ta génétique, dépendant donc de l'alimentation, comment tu vas la supporter, dépendant de plusieurs facteurs, le cerveau peut lentement se dégrader. Alors, c'est si simple de l'entretenir pendant qu'on donne une conscience suffisamment volontaire pour pouvoir travailler le cerveau. Parce que quand je commence à m'en aller, je n'ai même pas la possibilité de travailler le cerveau. La thérapie par le rire est-elle contradictoire à l'énergie supramentale? Bon. Rire, c'est extrêmement bon. Bon, quand l'être humain reçoit trop d'énergie, il doit la digérer. Il va en digérer une partie jusqu'à concurrence de sa capacité de supporter la digestion. Le trop d'énergie va sortir par le pleur, le braille ou le rire. Brailler, c'est souvent négatif parce que c'est chialer sur nous-mêmes. Pleurer, ça peut aller. Il y a une différence entre l'un et l'autre. Rire, c'est fortement génial. Si on est capable de ne pas trop rire, de contrôler son rire, on digère énormément d'énergie. On devient puissant. Même chose si on est capable de ne pas pleurer. Bon, tu gagnes des millions à la loterie ou encore ton fils que tu croyais mort réapparaît, tu pleures. Si tu peux conserver, tu gagnes en potentiel, puis tu vas être beaucoup plus solide face à la vie. Même chose au niveau du rire. Par contre, autant que le pleur, à un moment donné, devient une solution, une soupape totale à un paquet de mécaniques énergétiques mal placées, le rire peut faire la même chose. À un moment donné, c'est même essentiel de pleurer ou de rire comme des folles. Hein, stupide que comme des fous, non, je viens de faire changement, on le dit pas comme des fous. C'est une très bonne thérapie jusqu'à une certaine limite. Pourquoi après une chicane dans le couple, celui-ci éprouve-t-il plus d'attirance l'un vers l'autre? Simplement qu'ils viennent brûler, c'est-à-dire que les parties qui saillissent viennent de se nourrir en masse, ils vont se coucher. Les parties qui s'aiment, bien là, maintenant, ils sortent être plus coupables, puis là, ils vont se coller. Mécanique normale. Tout bon programme possède une fonction poubelle ou delete mon programme inscrit en nous ne posséderait-il pas une telle fonction? Il la possède, sauf que il y a beaucoup d'inhibitions qui vous empêchent d'effacer. La fonction effacer, c'est pas delete, hein, effacer, est mécanique. Vous oubliez, ça s'efface tout le temps. La problématique, c'est qu'une fonction encore plus grande qui dit rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous, l'habitude. On crée des habitudes, des programmations, puis ça fait mal quand on vient pour changer. La poubelle, quand faut que tu l'ouvres, là, faut que là, ce qui va dedans doit l'ouvrir, il veut pas. Mais l'humain peut faire mieux que ça. Au lieu de s'efforcer d'oublier, il va oublier de toute façon, on dit que le temps arrange les choses. C'est rien que ça qui se passe. Séparez-vous. Il y a de la mémoire, il y a de la conscience. Vous êtes de la conscience. La mémoire, ce n'est pas vous. C'est de l'alimenter. Tu sors dehors, ah, merde, il fait encore froid. Tu sais, d'observer que tu viens de chioler. Fait que là, tu ne renchéris pas en disant, merde, tu as encore chiolé. Tu chioles encore. Non, ah, merde, il fait froid. Hey, c'est vraiment maudit qu'on est deux. Et moi, il est bien correct, mais... C'est ça qu'il faut faire. Il faut même pas la peine d'effacer le reste. C'est comme de dire, par exemple, ici, là, ton manteau, là, il y a un problème, il y a un trou. Fait, comment faire pour te guérir? T'es pas le manteau, t'es guéri. Je fais ce qu'on me dit de faire, on étant les autorités cosmiques. Pourquoi Sainte-Thérèse? Pourtant, Sainte-Thérèse a répondu au pape qui lui disait d'obéir aux autorités. Dites oui et les autorités diront oui. Ben, c'est vrai. Si l'homme dit oui et que par la suite les hiérarchies disent oui, l'homme est comme le Nazaréen. Absolument. Quelqu'un qui a la puissance de commander aux lois et non que les lois lui commandent, a-t-il un libre arbitre? Dois-je dire oui ou attendre qu'on me le fasse dire? Il n'est pas question. Il faut que toutes les parties de l'ego disent oui. Pour comprendre qu'on dit oui pour la question, il faut que toutes les parties de l'ego le disent. Autrement dit, il faut que vous soyez capable de vous autoriser à. C'est ça qu'il y a une nuance. Juste rencontrer ton patron, tu transpires déjà. C'est l'ego. Mais si tu y vas, même si tu transpires, viens-t'en à mon cave. Tu transpires, tu transpires. Tu serres la main, tu te mouilles. Tu sais que tu transpires, transpires. Là, bon. T'as de la misère à parler, t'as de la misère à parler. Tout tu restes là, t'es lucide. L'ego va s'habituer. Faut que l'ego t'autorise à. Moi, j'ai dit souvent, à un moment donné, le Nazaréen disait, je veux faire la volonté du Père. Quand j'étais plus jeune, j'avais écrit une histoire, il y a un bonhomme qui cherchait son Père, Dieu. Et il l'avait cherché dans plusieurs religions. Il avait rentré dans plusieurs églises. Il avait posé des questions, jamais on lui répondait. Il est allé voir des maîtres, des gourous. Il est allé dans des ashrams, il est allé au Tibet, il s'est cassé la gueule dans l'Himalaya. Il s'est perdu aux États-Unis, il a séché dans le désert du Sahara. Puis à un moment donné, totalement écœuré de tout, il a décidé d'aller se suicider. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il fallait se suicider pour rencontrer le Père. Et là, il s'est emmené dans un immense dépotoir. Ça puait, il y avait des rats là-dedans. Puis il a donné un coup de pied sur une canne avec une boîte de pizza toute défaite. Puis là, il a découvert Dieu, son Père. Il était là, à côté de chez lui. Et là, il lui a dit, je veux faire ta volonté. Et le Père a répondu, que ta volonté soit faite. J'avais 8 ans quand j'ai écrit l'histoire. Mais c'était donc vrai, donc vrai, donc vrai. Ma volonté, c'est la sienne. Mais ma volonté ne peut pas être la volonté d'un ensemble d'expériences mémorielles collectives. Ma volonté n'est pas de tuer les Noirs. Ce n'est pas ma volonté, ça. Ça, c'est la volonté de toutes les racistes. Une nuance. Ce n'est pas la mienne. C'est la volonté des racistes. Donc, pour que ma volonté soit faite, il faut que j'arrive à la purifier de la volonté collective. Bon, moi, ma volonté, c'est que les femmes me servent. Ça, c'est la volonté des imbéciles de mort. Tous les mâles ne sont pas imbéciles, mais ceux-là sont imbéciles. Ils sont imbéciles, pensent que ça marche, en tout cas. Ben, en tout cas, oui. Mais ils sont imbéciles de vouloir. Imbéciles de l'espérer, mais ouais, mais juste de vouloir. Que ça marche. Ma volonté, c'est quoi? C'est quoi votre volonté? Mais moi, j'aimerais être en santé. Ça, vous l'avez appris, ça. Avez-vous une raison intelligente de temps en temps? Avec des raisons mémorielles, des raisons émotives? C'est facile. Ma volonté, c'est nécessairement celle qui doit être appliquée. Par contre, je dois la filtrer de la volonté collective, et la volonté collective est une volonté mémorielle historique, traditionnelle. C'est bien simple. Effectivement, votre volonté, c'est celle de votre Père. Vous ne pouvez pas le manquer parce que votre Père, quand on parle de Père céleste, dans les cieux, ben, c'est l'intelligence qui habite l'humain. Sauf que C'est l'ego à l'intérieur, les mémoires, le collectivisme qui parle de volonté. Voyons donc. Qui, celui qui aurait une volonté, qui dirait, ben moi je veux vendre du styrofoam. Hein? Ça pas bien la volonté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ta vie là-dedans, c'est pas ça pantoute. L'humain, ça c'est la volonté de l'entreprise. C'est la volonté d'actionnaire, c'est la volonté de bourbon, etc. C'est pas la sienne. Quand la tienne est totalement trouvée, si pour t'alléger, ça doit se vendre, ça va se vendre tout seul. Même s'il y a des caves qui travaillent tout croche, ça va se vendre tout seul. Mais ta volonté, t'as trouvé. Mais notre volonté n'est jamais trouvée convenablement. C'est toujours la volonté collective qu'on veut faire. On se ramasse en gang, puis qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, alors. Mais effectivement, ça fonctionne quand l'humain a sa volonté. Elle est pure. Et elle fonctionne. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu pareil dans la salle. Je me dis, le feu devrait... Ah, ben, c'est, il est éteint. Enfin, j'ai pas besoin de l'éteindre. J'ai pas de libre arbitre. Mais ça va s'adonner que tous, avant même que je le décide, ça va être accompli. Et que c'est spirituel. Ben oui, ça fonctionne pareil. Un individu peut-il avoir déjà, dans ses vies antérieures, vécu sur une autre planète autre que celle qui vit présentement? Non, dans ses vies postérieures, oui. À quoi sert le rêve pour l'homme ancien et pour l'homme nouveau? Le rêve pour l'homme ancien, ça sert à le violer, à le manipuler pendant son sommeil, à le charrier, à lui donner des stress, on dit à le défouler, à digérer des énergies. Pour l'homme nouveau, c'est celui qui a une conscience vivante, qui ne vit pas de la mémoire, qui ne se sert pas du passé pour expliquer le neuf. Il ne rêve pas. Il continue à travailler, même si le corps physique se repose. Mais il ne rêve pas. Lorsqu'une personne n'a pas compris l'intelligence d'une chose, l'intelligence par l'intermédiaire de l'astral peut-elle amener la pièce de casse-tête qui amènerait l'individu à faire ce qu'il aurait dû faire, qui, sans cette pièce de casse-tête, la motivation est nulle? Donne une pierre à un fou, donne une pierre à un imbécile, donne une pierre à un sage. L'imbécile lance sa pierre à la tête du fou. Le fou va voir le sage et lui dit, l'imbécile est dangereux, il lance des pierres. Le sage va voir l'imbécile lui explique, le fou peut être guéri quand il reçoit des pierres. Le sage prend sa pierre, la lance à la tête du fou lui aussi. Tout le monde est imbécile, tout le monde est fou. L'intelligence qui passe par la mémoire, qui passe par l'astral, est toujours colorée par celui qui veut, celui qui a besoin ou celui qui reçoit. Lorsque la personne dit « j'ai manque une pièce de casse-tête », l'intelligence te donne la pièce de casse-tête qui manque et toi, tu la manges. Tu n'as pas compris, il faut que tu la mettes là. Tous les humains ont toutes les informations nécessaires. Quand on vient des conférences, bien souvent, moi, je ne fais que remonter des morceaux que les individus savent déjà. OK, je prends mes mots, etc. Mais je fais juste rebrasser des affaires que tu as toujours su quand tu avais 5 ans, 6 ans, 12 ans, 20 ans, 14. Bon, tu as déjà philosophié sur des choses. Je brasse des bebelles. De temps en temps, je peux amener du neuf, mais au niveau de l'application dans la matière, je ne fais que brasser des choses. L'intelligence, bon, lorsqu'une personne n'a pas compris l'intelligence d'une chose, c'est qu'elle n'a pas le niveau vibratoire pour le comprendre. Demain matin, elle va le comprendre. L'intelligence qui passe par l'astral ne peut pas t'amener de morceau. Ah, tu vas te casser la gueule, mais c'est pas l'intelligence qui t'amène une leçon. C'est simplement que tu te casses la gueule. Puis à un moment donné, tu vas comprendre à travers cela. La vie ne vous donne pas de leçon, mais on peut apprendre avec la vie. Quelle est la ou les différences entre une princesse et une déesse? Une princesse, c'est une personne extrêmement humaine qui est, on parle de princesse du point de vue de ésotérique ou esthétique, c'est une personne extrêmement humaine capable d'associer les mécaniques divines aux mécaniques humaines. La déesse, c'est une personne extrêmement divine qui n'est pas capable d'associer la mécanique humaine à la mécanique divine. Lorsqu'un individu fait un voyage astral contrôlé, son corps physique est-il confiné à un vieillissement semblable que lorsqu'il est réveillé? Non. Les psychologues prétendent qu'exprimer ses émotions, les laisser sortir, est une manière de s'en libérer, d'en libérer le corps et la psychologie. Qu'en est-il en réalité? Les psychologues vont souvent voir d'autres psychologues pour se faire traiter. Ça ne fonctionne pas. Laisser sortir ses émotions veut dire exprimer de l'énergie qui nous fait mal. Et on synergise dans ce phénomène émotif. On est toujours pris avec. Vous aimez pleurer? Pleurer toute votre vie. Broyer? Broyer toute votre vie. Exprimer ses émotions est une nécessité. Quand l'émotion est en train de s'exprimer en détruisant notre corps physique. Sauf que ce n'est pas en exprimant nos émotions qu'on règle les émotions. Je suis mal pris que l'émotion, je l'exprime, ça va. Je suis dans ma famille, j'ai le goût de dire que t'es laid. Je te le dis que t'es laid, ça me soulage. J'ai le goût de me donner un coup de poing, ça le soulage. On n'a pas fini. Je souffre d'insomnie. Lorsque je me couche le soir, ça passe dans ma tête. Que faire pour que ça arrête de penser? C'est très fatigant et dur pour le moral. Ralentir son cerveau, penser au ralenti, faire de la course un peu avant, faire un petit peu d'exercice une heure ou deux avant de se coucher, prendre une tisane calmante, vérifier ce qu'il y a au niveau de sa vie, cesser de lire avant, enfin, cesser de se synergiser avec un paquet de choses. Ça, la personne ne veut rien qu'étudier ce qui se passe autour d'elle, éliminer des choses. Chose certaine, insomnie, changer votre...